Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 2 février 2024. Ça y est, on a basculé du côté de février. Ça y est, bientôt l'été. Enfin, presque. Il reste 139 jours et beaucoup d'heures avant l'été tant attendu 2024. Excellent réveil à vous sur les ondes de Radio Dijon Campus, sur les ondes de MNE à Mulhouse et Alkirch. C'est le Before du vendredi, c'est Mister B, c'est pop et chansons françaises pendant 29 minutes et quelques secondes. Au programme, bien évidemment, des infos, la battle entre Dijon et Mulhouse, une cover et des nouveautés et encore des nouveautés. Et un anniversaire également, comme celui de Heavenly Sweetness, cet excellent label parisien qui fête ses 15 ans. On débute donc avec un morceau de David Walters. Oui, c'est de la francophonie. Oui, c'est de la francophonie avec Palais de David Walters featuring Ibrahim Malouf. Bon réveil à vous, on fête ensemble les 15 ans du label Heavenly Sweetness pour débuter ce Before et ce vendredi matin. Parlez-vous, parlez-vous, on y va et là. Ni floa pale we pale sa oni vai bla ni floa Ça nous aime en pile, on nous parle et fait un deal. Oui, oui, oui, c'est bien du créole. C'est monsieur David Walters avec le morceau Palais donc featuring Ibrahim Malouf. Le label Heavenly Sweetness qui fête donc ses 15 ans avec une double compilation. Et bizarrement, celle que je préfère, c'est la jazz. Oui, je ne sais pas pourquoi. Double compilation donc qui est sortie fin décembre 2023. Compilation avec 23 morceaux sur celle de jazz. On retrouve bien évidemment les artistes du label Heavenly Sweetness, les artistes qu'on aime ici défendre à Radio Dijon Campus, Guts, Coconette, entre autres Laurent Barden avec La Vie, La Vie, La Vie, merveilleux morceau, ou le morceau également L'Oiseau featuring Bertrand Belin. On retrouve également Anthony Joseph. Bref, toute l'écurie un peu jazz groove sont présents sur cette double compilation, donc puisqu'une partie jazz et une autre compilation avec également tous les artistes du label. Et l'autre compilation s'appelle Tropical. Voilà, deux compilations qui ne sont pas sorties en physique, mais en numérique, disponibles sur le Bandcamp Heavenly Sweetness, excellent label parisien, pour la modique somme de 9€. Voilà, vous allez vous trouver avec un joli catalogue de musique et tout l'esprit de Heavenly Sweetness. Et ce morceau est vraiment fabuleux, je l'aime toujours autant. Ce morceau donc de Monsieur David Walters avec Ibrahim Malouf à la trompette. Ah, de la nouveauté, ça vient de sortir. Le groupe Pépite. Il y a du sang sur le trottoir. Je voulais m'amuser un peu. J'avais vraiment plus d'espoir. Je pensais à nous deux. Dans mes yeux, des néons, des phares. Et puis il a plu. M'allonger sur un nénuphar. T'es jamais revenu. Tous les jours depuis. Je préfère avec toi. Tous les jours depuis. Ah, on l'attendait cet album de Pépite et il ne déçoit pas. Oui, on ne compte plus sur les doigts de la main les sorties importantes de ce mois de janvier. Mais ce qui est sûr, c'est que le retour de Pépite était en quelque sorte attendu comme le Messie. C'est le duo français composé, rappelez-vous, de Thomas au chant et d'Edouard à la production qui a réussi quand même à s'imposer sur le paysage musical avec un premier album qui s'appelait Virage, aussi bien solaire que nostalgique. Et il a fallu attendre 4 années, pour que le duo donc nous vous mette des paillettes dans nos vies et nous offre cet album, le successeur donc, qui s'intitule Les Années Lumière. Il suffit de fermer les yeux et de se laisser envoûter par l'entre en matière scintillante et quelque peu nocturne du morceau Nénuphar qu'on écoute actuellement. Voilà, on est toujours pareil, hein, sur une sorte de parfum de spleen, un petit peu de nostalgie influence 80s et puis toujours cette pop très mélancolique teinté d'électronique. Voilà, on est vraiment entre de la poésie, des fois du second degré même au niveau des textes, et du romantisme. La marque de Fabrice, la marque de fabrique Pépite n'a pas changé, même si elle évolue un tantinet. Et puis la pochette de l'album est magnifique, avec plein de couleurs, et entre autres, des vinyles par terre posés, une chambre en bordel, et un flamant rose. Vous écoutez Pépite donc, extrait de leur dernier album qui est disponible en physique, en vinyle et en CD, également en numérique. Et le morceau, c'est celui qui ouvre l'album, c'est Nénuphar. Je m'en vais dans la ville, je m'en quitte. Des jeans et des vodka. c'est également une sortie toute récente, Monsieur Gabriel Auguste, le morceau « Toi ou rien ». Très joli premier morceau pour cet album qui va arriver le 15 mars prochain. L'album va s'appeler La Nouvelle Gomme. C'est Monsieur Gabriel Auguste, hein, qui, on vous le rappelle, est auteur, compositeur, producteur, ingénieur du son, également dessinateur. Et oui, si vous avez des jolies petites pochettes de disques de Gabriel Auguste, où il se dessine d'ailleurs lui-même, le trait est magnifique. Et pour le coup, bah, c'est lui, hein, qui dessine lui-même ses pochettes, puisqu'il est dessinateur et ça se voit. C'est pas un manchot au niveau du crayon, je vous le dis tout de suite. Et ça fait 10 ans qu'il nous séduit avec sa musique. Et donc, il sortira son nouvel album qui s'appelle La Nouvelle Gomme. C'est rigolo pour un dessinateur, pour le coup. Et en attendant, voici le premier single, donc Toi ou Rien, parce que l'album sortira que le 15 mars prochain. Et c'est une véritable ode à la tendresse, hein, comme vous l'entendre juste derrière moi. Il a collaboré sur ce morceau avec Diane Sanier et la merveilleuse Calypso Valois. À suivre donc cet album de Gabriel Auguste, La Grande Gomme, à suivre au mois de mars. La petite cover du vendredi matin. Allez, vous retrouvez l'original. Du côté du Brésil, un peu de chaleur, le soleil arrive. Vasco de Gama, on voit toujours les amateurs déguster du thé glacé. Mère enfant vers la mer, 300 maisons de bois passent leur vie éphémère dans la boue du delta. La ville est là, comptant ses cruzeros sous son Panama, tranquille à n'y pas croire, en fumant son gros cigare. Vasco de Gama, il y a toujours des jardins parfumés pleins d'orangers. Mais lorsque le soleil cogne sur les volets, 100 000 vautours balayent au-dessus des marais. La ville est là, brillant sur la plage à Copacabana, sans peur et sans mémoire, et fumant son gros cigare. Qui viendra là-bas? Qui viendra là-bas? Bah, qui vient là? Tout simplement Isabelle Aubray avec La Ville est là, qui est une reprise de George Ben. Voilà, célèbre morceau made in Brazil. Isabelle Aubray, de son vrai nom Thérèse Coquerel, qui n'a rien à voir d'ailleurs, est une chanteuse française née à Lille le 27 juillet 1938. En 1958, elle était quand même championne de France de gymnastique. Et oui, et en 62, parce qu'elle avait vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, elle remporte le grand prix du concours Eurovision de la chanson. Et oui, la demoiselle avait deux passions, la gymnastique et la chanson. Elle remporte l'Eurovision quand même avec la chanson Un premier amour, paroles de Laurent Valade et musique de Claude-Henri Vic. Dès l'adolescence, elle participe à des concours de chant. Elle est repérée par le directeur d'une radio lilloise et qui l'a fait monter sur scène pour la première fois. Elle chante alors dans des ensembles et travaille pendant 2 ans pour un orchestre du Havre. Au début des années 60, elle gagne un concours qui a lieu à l'Olympia et se fait alors remarquer par le directeur du lieu, un certain Bruno Cocatrice, qui l'aide à obtenir un contrat dans un cabaret de Pigalle. Et là, elle est lancée. Et oui, en 61, la chanteuse rencontre Jacques Canetti, agent artistique et découvreur de talent. Elle enregistre alors son premier 45 tours, 2 titres signés donc de Maurice Vidalin, dont Nous les amoureux. Et Jean-Claude Pascal remportera le prix Eurovision de la chanson avec ce même titre pour le Luxembourg, La même année. Sachez qu'elle a encore sorti un album en 2006, et oui, vous êtes fan, et qu'elle a reçu d'ailleurs la Légion d'honneur des mains du président François Mitterrand. C'était alors en 1992. Voilà, très jolie reprise d'Isabelle Aubray, La ville est là, reprise de ce classique George Ben. Retour aux nouveautés. Monsieur Modoïd, toujours avec ses collaborations. Je me rappelle très bien de la première fois que je l'ai rencontré. En fait, je me rappelle très bien de la première fois que je l'ai vu me regarder. Il était au loin et je me suis dit, tiens, tiens, ce mec-là, il m'a l'air bien. Si je fais de toi ma copine, je te donnerai tout, je t'écouline. Fou d'Amérique latine, je découvrir tes origines. De Santiago à Medellin, je veux des images de magazine. Des plages dorées j'imagine, ton corps mouillé. Cara, você tem algo que os outros têm, tem uma palavra, como pode ir? Você tem algo que os outros têm, tem uma palavra, como pode ir? Mentira. Eu sei que você tá falando isso pra todas as mulheres que você cruza. Même si j'en fais des tonnes. J'ai qu'une parole, mon cœur bouillonne. Sur le son de George Robson, je veux que tu deviennes folle, que tu t'abandonnes. Dans les forêts de l'Amazonie, dans les cités, dans les canyons. Je veux voyager, qu'on rayonne. Main dans la main, je veux qu'on se bastonne. Il aime le Brésil. J'aime bien. Il aime le carnaval. Je te jure, j'exagère pas, il est vraiment comme ça. C'est vrai. Ce mec est juste génial. Tada, mais c'était avec qui aux autres, c'était une. croire que ça existe. Ah là là là là là, le modoïde, le Pablo, hein. Arrête pas de nous surprendre, je vous rappelle que son histoire de concept de mini EP qui était arrivé en 2023, début 2023, où il voulait collaborer avec plein de demoiselles, il voulait faire que des collaborations avec des demoiselles, il nous a sorti plein de petites EP qui finalement a donné lieu à un album qui s'appelle Prix Madonna Collection, album qui est sorti en juin 2023 avec vraiment une multitude avant de petites EP. Et là, pour le coup, bah, il continue toujours, puisqu'il nous propose Prima Donna, donc collection, mais les inédits, on est de vous dire, voilà, les inédits, tous ceux qu'il n'a pas mis sur l'album. Et donc, petite EP de 5 titres, où on retrouve entre autres l'excellente chanteuse Paula, qui fait partie du groupe PPG, que j'aime beaucoup. Et donc, on retrouve sur ce petit EP 5 titres, c'est pas seulement chanté en français, hein, c'est chanté également en anglais, Melody Echo Chamber, bien évidemment, encore et toujours, Laetitia Sadier. Et puis également Loli P et j'oublie pas Screams. Voilà, tout cela sont présents sur ce petit EP Prima Donna collection inédit de monsieur Modoïde, le fameux Pablo Padovani, qui habite à Paris et qui aime chanter qu'avec des filles. Allez savoir pourquoi. J'ai peur que ça existe. J'ai peur pour son cœur. J'ai peur de lui montrer mon corps. C'est quoi toi t'as un truc, les mots disent pas que les autres ont pas, t'existes pas. Mais c'est quoi toi t'as un truc, les mots disent pas que les autres ont pas, t'existes pas. Mais c'était la rue qui ose poster une telle non pas la rue comme pencher. Mais c'était la rue qui ose poster une telle. Je crois que j'en veux encore. Elle en veut encore. Elle s'appelle donc Paola et elle fait partie de Modoïde, du concept Modoïde. Vous êtes écouté les ondes de Radio Campus 92.2, vous écoutez les ondes de Mulhouse. Il est temps de passer à la battle entre Mulhouse et Dijon. Quelle est la plus belle soirée ce week-end à Mulhouse et à Dijon? Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour Dijon, c'est le festival Souffle. Vous avez peut-être entendu cette semaine l'interview dans Réveil Campus, de l'ancienne d'ailleurs directrice de Radio Dijon Campus, qui est devenue directrice de Why Not, l'association Why Not, donc, qui propose donc le festival Souffle avec ce soir un concert gratos, ça sur inscription quand même, ça sera aux ateliers Vortex. Et donc c'est Did Palace qui est le nom du solo de la musicienne Marion Camille Palou. Ça débutera à 17h et c'est samedi, hein, c'est pas ce soir, c'est samedi, excusez-moi. Samedi 3 février à 17h sur les ateliers Vortex, donc atelier qui se trouve à Dijon. Oh, bah, vous n'avez qu'à chercher, hein, on est du côté, on est derrière le lycée du Castel, voilà, pour vous situer un petit peu. Et entre le lycée du Castel et également le parc de la Colombière, dans ce coin-là. Allez, vous cherchez, vous allez trouver les ateliers Vortex. Vous ne connaissez pas, bien dommage, c'est un excellent lieu où il y a des expositions formidables. Et donc, dans le cadre, je vous l'ai dit, du festival Souffle, qui va se dérouler quand même pendant plusieurs jours, j'ai envie de vous dire, parce que ça se déroulera du 3 au 11 février, qui propose des expériences d'écoute à vivre ensemble, des musiques et des sons qui viennent jouer avec des percussions, des sensations et des émotions. Donc, il y aura également à la vapeur, et tout ça avec du centre de création musicale ici Londres. Voilà, vous savez tout, c'est vraiment le coup de cœur pour samedi soir si vous voulez écouter un joli concert et avoir une vraie expérience sonore. Et du côté donc de Mulhouse, ben, ils ne sont pas en reste puisque eux aussi ils ont une expérience sonore assez étrange. C'est au Nouma Trouve cette fois-ci. Avec, ça s'appelle le spectacle Héritage, spectacle Dance Floor par DJ Show 7, un mélange de DJ set, mais pas seulement, il y a également une création visuelle et puis également des poèmes, de la poésie. Enfin, ça vous emmène également dans un drôle d'univers assez surprenant. Donc je vous invite vraiment, pour ceux qui sont du côté de Mulhouse, d'aller au Nouma Trouve. Alors c'est pas samedi aussi, je vais y arriver, je crois que ça a été changé, c'est dimanche 4 février de 15h30 à 16h15. Voilà, le DJ show test, je vais dire. Et quand je lis un petit peu le texte, ça me fait tout bizarre. Fin 2025, l'humanité épuisait l'ensemble des ressources vitales de sa planète. Le Parlement mondial ordonna l'envoi d'une capsule dans l'espace intersidéral. À l'intérieur de cette capsule, qu'on nomme le Golden Records, et numériser l'intégralité de la culture